Yo, 1987, voilà mon année de naissance. Genre de destin anthracite, la vie c'est surtout stressant. Supporte pas trop la pression, des idées j'en ai pas cent. Délaisse le brassard pour aller checker les jupes des passantes. Pourtant pas le genre agressif, plutôt de ceux qui sont agressés. Et si tu sens que c'est la honte, sans dis long sur tes principes. Être un homme, j'sais pas ce que c'est, j'ai été élevé par ma mère. Et quelle la logique d'avoir un daron qui a connu la guerre. Insomniaque et solitaire, Cupidon joue les taquins. Nique sa mère, gamin et se laisse des pucelles dans ta pain. Dans ta pain, jusqu'à que destin tape ta porte. 2010, tu pars au bout du monde sans vraiment savoir tout ce que ça t'apporte. Y'a des hauts, y'a des bas, on jongle entre drames et passions. Dès le départ, le ton monte, le débat, la narration. Cultive l'espoir, mais toujours avec l'attente. On prit la poids, je vais dire merci, mais perso, j'en demandais pas tant. À peine marié, ça bat de l'aile, alors tu te ruines pour une babiole. Délaisse le rôle de cassos, tu te saignes pour une nouvelle bagnole. Tu crois que le bonheur sera las comme un week-end à Badalone. Alors que madame ne souhaite qu'une chose, la première page du catalogue. 2013, on sonne une trêve, on fête la naissance de Nina. Mais y'a toujours un trait qui traîne avec toutes ses envies minables. Tout va bien, je mens à tout le monde, j'ai l'habitude. Cherche des raisons de pas rentrer le soir. Passer la nuit sous l'abribus, je me réveille, prends ma gosse sous le bras. On repart à zéro chez la daronne, sous cette fois t'es le relou qui pionce dans le salon. 2017, en dépression, l'année se termine par un divorce. J'essaie de prendre la plume, Rocky 30 piges, t'as Sabonis. Tous les matins, tu mets le masque pour cacher que t'es malade. À l'intérieur, t'agonises, t'essaies d'en faire un truc valable. Retour au point de départ. Dis pas qu'on a fait tout ça pour rien, j'ai l'impression d'avoir vécu 30 ans pour rire. Génération Club Dorothée, moi je suis de 83. J'avoue j'ai été dorloté, mes darons étaient droits. Mon enfance était belle, mais bon j'y suis pour rien. J'étais pas responsable de ne jamais manquer de rien. C'est quand j'ai pris mon envol à peu près à 15 piges. Toujours avec un spliff que j'ai trouvé mon inspi. J'ai dérapé deux spies, j'ai perdu leur estime. À l'instinct j'investis, je veux une vie que j'apprécie. Alors je fais mes pailles et travaille avec des jeunes. Et puis en parallèle, je veux une femme qu'en vaille la peine. Que j'aime toujours autant, même après qu'on est ken. Depuis 2006, je suis avec elle, c'est vrai qu'on était jeunes. J'ai dû abandonner ma plume pour bâtir une famille. Leur éviter la famine, priorité aux gamines. Elle donne un sens à ma vie, moi j'aurais fait que stagner. Je suis attaché à ma ville, je m'y ferais enterrer cette année. Tout ça pour dire que les peines peuvent alourdir. Je suis entouré de roses, mais je me sens comme une ortie. Je perds des amis, et ce depuis des années. Trop désunis, donc je veux plus courir après. Vu que je gratte mes peines, mon retour n'est pas bon signe. On soigne les apparences, mais l'amour reste à la consigne. Et quoi qu'on signe, un mariage ne veut plus rien dire. Dès qu'on peut, on se tire quand on ne peut plus rien se dire. Je préfère me battre car on a la mentale. Même si l'ambiance pourrie devant les gosses, c'est lamentable. Tu mérites la menta, mais des fois ça casse les couilles. Mieux vaut haïr par l'écoute que d'aimer par les coups. Pour parler court, j'avance au jour le jour. T'entends rester debout en joignant les deux bouts. T'écoutes ma life, donc il est temps de sourire. Là, il est temps de s'ouvrir après ces 30 ans pour rire.